إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau cours dans lequel je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder la sincérité et de ne vouloir que sa satisfaction et son agrément, et qu'il fasse de ce cours un cours profitable pour moi en premier, ainsi qu'à mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cours sera basé sur le livre de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, qui s'appelle Dhammul Waswas, le blâme du Waswas. Avant de parler du livre, on va parler brièvement de ce grand imam, malgré qu'il soit très connu. Mais il n'y a pas de mal à parler de ce grand imam brièvement et de sa biographie. Donc, Ibn Qudama al-Maqdisi, il est originaire de l'Maqdis, de la Palestine. Et ce grand imam est d'une famille de très grands savants sur plusieurs générations. Mais c'est lui le plus grand, le plus connu d'entre eux. Car cet imam, c'est l'imam qui a servi le plus al-madhhab al-hanbali d'une manière absolue. Donc c'est une grande famille dans l'histoire de l'islam, la famille de l'Maqadisa, dont l'auteur fait partie. Il y a aussi, parmi ceux qui sont très très connus, des grands imams, le fils de sa tante maternelle, qui s'appelle Abdel Ghani al-Maqdisi, celui qui a fait énormément de grands livres, de grands ouvrages, et dont un des plus connus, même pour les tullabs débutants, Umdatul Ahkam, que les débutants mémorisent ce livre composé que de hadith dans les deux authentiques, dont le sujet est l'Ahkam, les règles de la jurisprudence. Et aussi le fils de sa sœur, qui s'appelle Diya al-Maqdisi, qui a beaucoup d'ouvrages aussi, mais dont le plus connu est Al-Mukhtara, une compilation de hadith. Donc ce savant, ce grand imam, est né en l'an 541 de l'Hégire. Il est né à Jamma'il, en Palestine. Et à l'âge de 10 ans, il est venu avec sa famille s'installer à Dimashq, Damas. C'est là où il a étudié le Coran et il a mémorisé Mukhtasar al-Khiraqi. Mukhtasar al-Khiraqi, c'est le premier épître qui a été fait dans le madhab al-Hanbali. Et il s'est consacré totalement à la demande de science. Il a fait le tour de plusieurs pays pour, dans le cadre de la demande de science, et il a écouté, il a pris la science de la plupart des savants de son époque, surtout les plus grands parmi eux. Et il a brillé très jeune dans la science. Il a voyagé, comme on a vu, à Dimashq. Dimashq, Damas. Et c'est là où il a commencé à demander la science par l'intermédiaire de son père qui était un grand savant aussi, et d'autres savants. Ensuite, il a voyagé en compagnie de Abd al-Ghani al-Maqdisi, celui qui a fait Umdat al-Ahkam. Ils ont voyagé ensemble vers Bagdad. Bagdad, en Irak, aujourd'hui. Ils ont voyagé là-bas pour demander la science. Et dans ce voyage, ils ont pris énormément de science, car ils ont assisté à la plupart des savants qu'il y avait à Bagdad. Et comme vous savez, Bagdad, à l'époque, c'était la ville des savants et de la science. Ensuite, il a voyagé vers la Mecque. Et là aussi, il a pris la science des grands imams de la Mecque. Et ensuite, il est allé vers le Mosul, en Irak. Il a demandé la science là-bas aussi. Et finalement, il s'est installé à nouveau à Bagdad. Il est revenu à Bagdad, et c'est là où il s'est installé définitivement. Il s'est assis pour donner des cours et propager la science. Après tous ces voyages et tout ce parcours dans la demande de science, et c'est devenu un des plus grands imams, si ce n'est pas le plus grand imam de son époque. Comme a dit l'imam Ibn Rajab en parlant de lui, il a dit, et l'imam Ibn Rajab a rapporté ce qu'a dit son neveu, au Diya al-Maqdisi, qu'on a vu. Il a dit, c'était un imam dans le Coran et dans l'exégèse du Coran. C'était un imam dans la science du hadith, avec une grande capacité à résoudre, les problèmes de compréhension que peuvent rencontrer d'autres savants. C'est un imam dans le fiqh. Et ensuite il a dit, même dans le fiqh, il n'avait pas de semblable. Et ça, c'est pas uniquement lui qui a dit ça. La plupart des savants de son époque, ils ont dit cela, y compris Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah. Et c'est un imam dans la connaissance des divergences. Et vous savez que c'est très important de connaître la divergence avant de faire le fatwa. Contrairement à ce que tu peux constater de l'un d'entre nous qui a appris un avis et qui veut l'imposer à toute l'humanité, tous les gens de la Terre. Parce que pour lui, c'est l'avis qu'il connaît et il ne connaît pas les divergences, il ne connaît pas le poids de ces divergences. Il ne connaît pas, le poids de ces divergences. Est-ce que c'est une divergence tolérée ou pas? Il y a des divergences, comme vous savez, qui sont tolérées, comme dans beaucoup de questions de le fiqh. Mais dans l'aqida, à l'unanimité des savants, il n'y a pas de divergence. Donc c'est un imam dans la connaissance des divergences. Et c'était un imam dans la science de la répartition de l'héritage, qu'on appelle fara'id, ou ilm al-mawarith. Et il n'avait pas de semblable non plus dans cette science. Quand il dit cela, c'est-à-dire qu'il a atteint, le summum à son époque. Et que même les savants, ils reviennent vers lui dans ces sciences-là. Et c'est un imam dans la science des fondements de l'fiqh, usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence. Et c'est un imam dans la science de Nahu, qu'on peut traduire par la grammaire, même si ce n'est pas exactement cela. Mais pour rapprocher la compréhension, pour avoir une compréhension yani, qui se rapproche de la réalité. Et c'était un imam dans la science du calcul, na'am. Et c'est un imam dans la connaissance des trajectoires des étoiles et des planètes et la science qui dépend de ces trajectoires-là. Yani, ça, on l'a vu à plusieurs reprises dans Kitab Tawhid et dans d'autres livres, la science des astres, elle est de deux catégories. Une qui est autorisée et qui nous sert dans notre religion ou dans nos voyages pour connaître la direction, le Qibla, pour connaître dans le voyage le nord, du sud, l'est, de l'ouest. Yani, cette partie de cette science est autorisée. Mais la partie de cette science qu'ils appellent l'astrologie pour arriver à connaître l'avenir, ça c'est haram et c'est une mécréance. Donc quand ils parlent de cette science pour ces imams, c'est qu'il est capable de savoir les horaires des salawat et de connaître la direction de l'Qibla, de connaître les orientations dans les voyages et les choses comme ça. Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah a dit une parole qui a beaucoup de poids. Il a dit ma dakhala ash-sham ba'da al-awza'i afqahu min ash-shaykh al-muwaffaq. Ibn Qudama c'est Muwaffaq ad-Din Abi Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudama al-Maqdisi al-Jamma'ili ad-Dimashqi as-Salihi al-Hanbali. Donc il a dit, Ibn Taymiyyah rahimahullah, personne n'est entré dans la région de Sham, la région des savants. Il a dit, il n'y a pas eu quelqu'un comme l'Awza'i, après la mort de l'Awza'i, il n'y a pas eu un savant qui lui arrive, qui arrive au statut de l'Awza'i, excepté le Muwaffaq, Ibn Qudama. Et vous savez qui c'est l'Awza'i. L'Awza'i qui est né en l'an 88 de l'Hégire et qui est décédé en l'an 157 de l'Hégire et duquel a rapporté l'imam Malik. C'est parmi les chouyours de l'imam Malik, l'imam l'Awza'i. Et parmi les chouyours de l'imam Abdullah ibn al-Mubarak. Et c'est un très très grand savant. Il est très connu par ses paroles dans l'attachement à la sunna. Notamment la parole très connue où il dit اصبر على السنة وقف حيث وقف القوم وقل ما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. Afwan, je voulais mettre Telegram pour ceux qui veulent suivre sur Telegram. Lakin, ça m'a créé un problème au niveau de l'enregistrement sur le téléphone. Donc, je l'ai coupé. Tayyib. Donc, l'imam al-Awza'i, rahimahullah, a dit attache-toi à la sunna et arrête-toi là où ils se sont arrêtés. C'est-à-dire, ils visent les compagnons. Arrête-toi aux choses auxquelles ils se sont arrêtés. Et dis comme ils ont dit. Et abstiens-toi des choses desquelles ils se sont abstenus. Et emprunte la voie de tes pieux prédécesseurs. Car il te suffira ce qu'il leur a suffi. Allahu Akbar. Comme ça il dit, rahimahullah. Attache-toi à la sunna. Cramponne-toi à la sunna. Et ne dis pas une chose que salaf n'ont pas dit. N'invente rien dans la religion. Et les choses desquelles ils se sont abstenus, n'ont pas parlé, c'est pas par ignorance ou par incapacité, mais par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec science, ils ont parlé avec science, et ils se sont tus avec science. Et ensuite, ils te résument cela en te disant, et suis la voie de tes pieux prédécesseurs, car il te suffira ce qui leur a suffi. Et si ça ne suffit pas, la voie de Salaf, alors forcément, tu vas sortir vers les innovations et les égarements. Rahimahullah. Donc, concernant le livre, Ibn Qudama, rahimahullah, a écrit plusieurs ouvrages, énormément de livres, et ils sont tous bénéfiques et profitables, sans exception. C'est un grand imam dans la science du hadith. Mais sinon, la chose par laquelle il est le plus connu, c'est le fiqh al-Hanbali, bien évidemment. Dans le fiqh al-Hanbali, il a écrit 4 ouvrages. Et ça représente les différentes étapes par lesquelles il doit passer l'étudiant en science, dans la science de le fiqh, pour arriver au degré du savant. Le premier, c'est Umdatul Fiqh. Umdatul Fiqh, c'est un livre concis dans le fiqh al-Hanbali, dans lequel il cite un seul avis, l'avis le plus fort dans le madhab. Ensuite, il a fait un livre plus développé, qu'il a intitulé Al-Muqni'. Et ensuite, il a fait un livre encore plus développé que celui-là, qu'il a appelé Al-Kafi, dans lequel il a cité les divergences dans le madhab. Et il a fait un livre encore plus grand et plus volumineux, composé de 11 volumes, qui s'appelle Al-Mughni. Al-Kafi, il est en 4 volumes. Al-Mughni, il est en un seul volume. Et Al-Umda, le plus petit, yani un petit volume. Al-Mughni, le dernier, il l'a fait pour les savants, dans lequel il cite non seulement les divergences dans le madhab al-Hanbali, mais dans tous les madhahib. Il cite la divergence des savants, et non pas seulement les 4 madhahib. Il cite les divergences de Salaf, et il finit par donner, yani le plus souvent, l'avis qui lui semble le plus juste. Donc c'est un livre qu'il a fait pour les savants. Yani, c'est une université. Tu commences débutant et tu finis, yani, au niveau le plus élevé. Et il a d'autres livres. Là, qu'il en va se limiter à cela, pour leur importance, et aussi dans Usul Fiqh, il a le livre très connu, qui est enseigné partout en Arabie Saoudite, Rawdatul Nadir, wa Junnatul Munadir, Al-Rawda, dans Usul Fiqh, dans les fondements de la jurisprudence. Ibn Qudama, rahimahullah, qui est né, comme on a vu, en l'an 541 de l'Hégire, il est décédé en l'an 620 de l'Hégire. 620 de l'Hégire, c'est-à-dire qu'il a vécu 79 ans, rahimahullah, 79 ans dans la science, dans sa demande et dans son enseignement, rahimahullah, et c'est un imam dans l'ascétisme, dans le délaissement de ce bas monde, il avait beaucoup d'adoration, beaucoup de choses qui sont citées dans sa biographie, on s'est limité à ce peu. Et ensuite, le livre que nous allons étudier, qui s'appelle Dhammul Waswas, de ce grand imam. Ce livre est un livre concis, composé d'une introduction, et ensuite, il a cité 6 chapitres. Les 5 premiers chapitres concernent la purification et la salat. Car la plupart des insufflations, et que je vais appeler dorénavant l'waswas. Al-waswas. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri al-waswas. Al-waswas, qui sont les insufflations de Shaitan. Al-waswas, c'est comme un son subtil que tu n'entends pas, mais c'est comme si quelqu'un te parlait dans ton esprit. C'est les différentes pensées et choses qui passent par le cœur, qui sont insufflées par Shaitan, dans lesquelles il t'invite à faire le mal. Et il peut t'inviter à faire un bien pour te faire tomber dans un mal par la suite. Donc Shaitan, il a des stratagèmes, il a des ruses, il a des outils qu'Allah lui a mis à sa disposition pour combattre le fils de Adam et pour le séduire et l'éloigner du droit chemin. Mais il a donné au fils de Adam des armes plus fortes que celles qui sont données à Shaitan. Quand est-ce que Shaitan il arrive à prendre le dessus sur le fils de Adam? Quand il s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'éloigne de ses enseignements, il s'éloigne de sa religion. C'est là où il devient une proie facile pour Shaitan. Inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. Allah Azza wa Jalla nous informe dans son noble livre que la ruse de Shaitan est faible, mais elle n'est pas faible pour tous les fils de Adam. Au contraire, la plupart d'entre eux sont dominés par Shaitan. Illa man rahim Allah. Wa qalilum ma hum. Excepté ceux à qui Allah a fait miséricorde. Et ils sont très peu nombreux. Et il faut savoir qu'il n'y a pas une chose plus difficile pour Shaitan et plus pénible pour lui après l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le serviteur, après le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le serviteur, il n'y a pas quelque chose de plus difficile pour lui que la science. La lumière de l'ilm, nour l'ilm, avec lequel tu brûles tous ces pièges et tous ces stratagèmes et avec lequel sont dévoilées toutes ces ruses. C'est pour ça, peu de gens empruntent cette voie à la voie de la demande de science, et parmi ceux qui l'empruntent, peu en tirent profit, qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux. Ils profitent de cette science, celui qui la demande et qui l'apprend afin de s'en sortir de l'ignorance et afin de se conformer à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne tire pas profit de cette science, celui qui la demande pour prendre la parole et pour être écouté et obéi et pour être suivi. Tout cela ne profite pas de la science et tout ce qu'ils apprennent et contre eux. Qu'Allah nous en préserve. Et ça, c'est pas des choses faciles à réaliser. Plus ta science augmente, plus tu réalises la difficulté de ces choses-là. Et plus tu réalises que la seule issue pour toi, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde son secours et son soutien. Et que t'es dans une impuissance totale et absolue si Allah subhanahu wa ta'ala ne te vient pas en aide. Donc ce livre, comme je disais, il est composé d'une introduction et de 6 chapitres. Les 5 premiers sont réservés à la purification et la salat. Car les plupart des waswas de Shaitan concernent ces 2 domaines, At-Tahara wa Salah. Et il a terminé son livre avec un 6e chapitre dans lequel il a cité des choses dans lesquelles il y a une certaine souplesse dans la législation, et que ceux qui sont touchés par l'waswas les rendent difficiles. Yani, des choses d'ordre général. Des choses d'ordre général. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde dans le Coran contre al-waswas du shaitan. Et nous a mis en garde contre le suivi des pas de shaitan. Beaucoup plus que sa mise en garde contre le suivi de nafs. Beaucoup plus. Car c'est shaitan qui insuffle à cette nafs de faire le mal. Et que ce mal aussi qui vient de nafs, sa cause, c'est shaitan. Sa cause, c'est shaitan. Et il faut savoir que shaitan, il a deux grands plans avec le fils de Adam. Dans le cadre de son travail avec le mu'min, il a deux grands plans. Le premier, s'il voit en lui de la faiblesse et du laxisme et de la paresse, s'il voit que le serviteur, dans sa nature, il penche plus vers le laxisme et vers la paresse, le fainéantisme, il va l'enfoncer encore plus dans ce sens-là, pour qu'il tombe dans la négligence et dans le laxisme. Contrairement à celui chez lequel il voit qu'il est plus vers la détermination et la force et qui atteint ses objectifs, même dans le cadre de dunya. Car ça, c'est des choses qui sont en lien avec la nature de l'être humain. Mais c'est des choses qui se travaillent aussi. Il y a des gens, même parmi le kuffar, tu vas trouver qu'ils ont une certaine détermination, ils se fixent un objectif, ils arrivent à l'atteindre dans le temps fixé, et ainsi de suite. Quand il voit en lui cela, il sait qu'il ne peut pas le faire tomber dans le laxisme, mais il va essayer de le faire tomber dans l'exagération. Et dans le rouleau. Et peu importe pour lui dans quel extrême il le fait tomber. L'objectif est de l'éloigner, l'objectif est de l'écarter du droit chemin. Qu'il le fasse tomber dans l'exagération, dans le laxisme, peu importe pour Iblis. L'essentiel, c'est de le faire sortir du droit chemin. Donc nous allons commencer bi'idhnillahi ta'ala ce livre et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous le faciliter et de nous accorder la bonne compréhension et de nous aider à mettre en pratique ce que nous apprenons. Je tiens à mentionner que vers la fin du livre, je vais réserver inshallah une séance pour parler, yani comme un résumé, mais aussi pour rajouter d'autres remèdes que l'imam Ibn Qudama rahimahullah n'a pas cité dans ce livre et que d'autres savants ont cité d'une manière résumée de ce qu'on a vu, yani une façon de résumer ce qu'on va voir inshallah et de rajouter d'autres astuces importantes dans notre combat contre Shaitan et afin de nous aider à nous débarrasser de l'ouest-ouest. Personne n'est épargné de l'ouest-ouest. Personne n'est épargné de l'ouest-ouest. Mais l'ouest-ouest est tellement facile à s'en débarrasser quand la personne a la science et la détermination après l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien évidemment, ça c'est une chose, même si j'oublie de la mentionner, c'est la base et la chose la plus importante. Yani, la personne elle n'arrive pas par son intelligence, ni par sa force, ni par sa demande de science, elle arrive avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a des causes à faire. Donc quand je cite pas cela, c'est que je parle uniquement des causes que le serviteur a entre ses mains, a à sa disposition. Donc il faut la science pour repousser le waswas et la détermination à vouloir s'en débarrasser. Si on n'a pas la science, on risque d'inventer des astuces qui ne font que nous rajouter davantage de waswas. Et quand on n'a pas la science, on risque de laisser aller cette maladie et de ne pas la soigner dès son début. À ce moment-là, elle est simple à soigner jusqu'à ce qu'elle s'aggrave et ce qu'elle arrive à des degrés très difficiles à soigner. Ce qu'on appelle waswas al-qahri, où la personne ne contrôle plus rien de ses pensées. Wallah al-musta'an. طيب il dit رحمه الله الحمد لله الذي هدانا بنعمه وشرفنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته. Louange à Allah qui nous a guidés avec ses bienfaits et qui nous a honorés par Muhammad صلى الله عليه وسلم. Et il nous a honorés par son message. وَوَفَّقَنَا لِلِاقْتِدَاءِ بِهِ وَالتَّمَسُّكِ بِسُنَّتِهِ. Et il nous a permis, nous a facilité de le prendre comme modèle, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de nous attacher à sa sunna, sa tradition. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِاتِّبَاعِهِ الَّذِي جَعَلَهُ عَلَمًا عَلَى مَحَبَّتِهِ وَمَغْفِرَتِهِ وَسَبَبًا لِكِتَابَةِ رَحْمَتِهِ وَحُصُولِ هِدَايَتِهِ. Et qui nous a comblés par le suivi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. طيب بارك الله فيك أخي, j'ai pas pensé, Inch'Allah. J'essaierai de voir s'il y a un PDF et l'envoyer, Inch'Allah ta'ala. Si vous avez une question qui concerne le cours, mais je vous conseille de ne pas m'envoyer des choses par rapport à des points qu'on n'a pas vus encore. Essayez de rester dans les choses qu'on a vues. Yani, je ne veux pas répondre à une chose avec des choses auxquelles l'imam va répondre plus tard. Mais les points qu'on va voir aujourd'hui, si vous avez une interrogation, un point incompris, n'hésitez pas à l'envoyer. J'essaierai d'y répondre, Inch'Allah ta'ala, si j'ai la réponse, vers la fin du cours. ومن علينا باتباعه الذي جعله علما على محبته ومغفرته وسببا لكتابة رحمته. Et il nous a comblé de ce bienfait qui est le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Son suivi qui est un signe de l'amour d'Allah et du pardon d'Allah et une cause pour bénéficier de la miséricorde d'Allah et la guider d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le suivi du prophète alayhi salatu wassalam, c'est une preuve et c'est un signe que t'aimes Allah et que tu bénéficieras de son pardon et de sa miséricorde et de sa guidée. D'où il a tiré ça? Il a dit, subhanallah, regardez la méthode de salaf et des grands imams. Il cite un point, il cite dalil. Et ça, c'est la science. Al-ilm qala Allah qala ar-rasul qala as-sahaba. Faqala subhanahu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Allah dit dans le sens du verset, dit, qui parmi vous aime Allah me suive, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Si t'aimes Allah, suis son prophète, alayhi salatu wassalam. Allah t'aimera et te pardonnera tes péchés. Et Allah Azza wa Jalla dit, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens approximatif, ma miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai à ceux qui me craignent. Qui sont ceux qui craignent Allah? Allah dit plus tard, plus loin dans le verset, dans les versets de cette sourate même, il a dit, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. Ceux qui suivent le messager et prophète illettré, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit plus tard, plus loin encore, فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Alors, croyons en Allah et en son messager, le prophète illettré, qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Amma ba'd, ensuite, فإن الله سبحانه جعل الشيطان عدوا للإنسان. Allah subhanahu wa ta'ala fait du shaitan un ennemi pour l'être humain. يقعد له الصراط المستقيم, qui يقعد له الصراط المستقيم ويأتيه من كل جهة وسبيل كما أخبر الله تعالى عنه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait de Shaitan un ennemi pour l'être humain. Il a fait de lui un ennemi pour l'être humain qui le guette sur le droit chemin. Qui le guette sur le droit chemin. Et qui vient à lui pour l'écarter de ce droit chemin de toutes les directions. Et avec tous les moyens, il n'épargne aucun effort afin de l'éloigner de ce droit chemin. Comme Allah Azza wa Jalla dit, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, en nous relatant la parole de Iblis, il a dit, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Je resterai à les guetter assis sur la voie droite, ou sur ta voie droite, صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ, sur ta voie droite. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. Puis je viendrai à eux par devant et par derrière. وعن أيمانهم وعن شمائلهم. Et par leur droite et par leur gauche. ولا تجد أكثرهم شاكرين. Et tu n'en trouveras que peu qui te seront reconnaissants. Que peu d'entre eux qui te seront reconnaissants. وحذرنا الله تعالى من متابعته وأمرنا بعداوته ومخالفته. Allah nous a mis en garde contre le suivi de Shaitan et nous a ordonné de lui désobéir. Il a dit, إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان est certes pour vous un ennemi. Considérez-le comme tel. Considérez-le comme un ennemi. Quand est-ce que tu as vu un homme doué de bon sens qui obéit à son pire ennemi de son plein gré? De son plein gré, il obéit à son pire ennemi qui ne cache pas son animosité, qui la déclare ouvertement. Et malgré cela, il lui obéit. Allah Azza wa Jalla dit aussi, Ya bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannah. Il a dit, ô fils de Adam, لا يفتننكم الشيطان, que الشيطان ne vous séduise point, كما أخرج أبويكم من الجنة, comme il a expulsé du paradis vos tout premiers parents. Shaitan qui a été la cause de l'expulsion de nos deux parents, Adam wa Hawa, alayhim salam, du paradis, en leur ordonnant de manger de cet arbre qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit. Wallahu a'lam, c'est quoi cet arbre? En tout cas, ils ont mangé du fruit de cet arbre qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné. Amma, que ce soit un pommier, ça c'est pas rapporté dans nos textes. وأخبرنا بما صنع بأبوينا تحذيرا لنا من طاعته. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé de ce que le shaitan a fait avec nos parents, Adam et Hawa, pour nous mettre en garde contre son obéissance, l'obéissance au shaitan, et afin de ne pas avoir d'excuses si jamais on lui obéit quand même. وأمرنا الله تعالى باتباع صراطه المستقيم ونهانا عن اتباع السبل. Allah nous a ordonné de suivre sa voie droite et nous a mis en garde contre le suivi des chemins, les chemins qui s'écartent de cette voie droite. Il nous a dit وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Voilà ma voie, elle est toute droite, suivez-la donc et n'empruntez pas les chemins qui vous en éloignent, qui vous en éloignent de cette voie droite. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. C'est ce qu'il vous recommande afin que vous ayez la piété. وسبيل الله وصراطه المستقيم هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته بدليل قوله تعالى le chemin d'Allah, le droit chemin, c'est celui sur lequel était le messager عليه الصلاة والسلام ainsi que ses nobles compagnons, car Allah dit la preuve réside dans la parole d'Allah. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى نودي في سورة ياسين, ياسين والقرآن الحكيم, الله juré par le Coran qui est éminemment structuré. إنك لمن المرسلين, t'es certes du nombre des messagers, ala sirati mustaqim, engagé sur une voie droite. Donc, Allah jure par le Coran al-Hakim que le prophète alayhi salatu wassalam fait partie des messagers d'Allah et qu'il est sur un droit chemin, une voie droite. Allahu Akbar. Même des choses qui sont de toute évidence, l'imam ibn Qudama nous rapporte des arguments et c'est comme si pour la première fois de ta vie, tu comprends ce verset. وقال تعالى إنك لعلى هدى مستقيم. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit son prophète également. Dans ce verset, il a dit certes, tu es sur une guidée droite. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et certes, tu ne guides en vérité que vers une voie droite. فَمَنِ اتَّبَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ فَهُوَ عَلَى صِرَاطِ اللَّهِ الْمُسْتَقِيمِ. Donc, par déduction, celui qui suit le messager d'Allah dans ses paroles et dans ses actes, il est sur le droit chemin. il est sur la voie droite. وهو ممن يحبه الله ويغفر له ذنوبه. Et il est parmi ceux qu'Allah aime et parmi ceux à qui Allah pardonne les péchés. ومن خالفه في قوله وفعله. Contrairement à celui qui lui désobéit dans ses paroles et dans ses actes. فهو متبع لسبيل الشيطان. Alors celui-là, il suit les sentiers de Shaytan. غير داخل في من وعده الله بالمحبة والمغفرة والإحسان. Et il n'entre pas dans ceux à qui Allah a promis son amour et son pardon et sa bienfaisance. ثم إن طائفة الموسوسين أو إن طائفة الموسوسين قد تحققت منهم طاعة الشيطان حتى اتصفوا بوسوسته ونسبوا إلى قبول قوله وطاعته. Ensuite, il nous parle de ceux qui sont touchés par le waswas de Shaytan. Yani, comme on a vu précédemment, personne n'est à l'abri de le waswasa. Mais quand on parle de ceux qui sont touchés, où ça devient une description pour eux, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'ils ont et à laquelle ils obéissent. Ils obéissent à cette waswasa. Ils suivent cette waswasa. Donc ce sont ceux-là le waswasin. Donc de ces waswasin, il dit qu'ils sont يعني, leur obéissance au shaitan est avérée. Leur obéissance au shaitan s'est avérée jusqu'à être décrit par le waswasa. C'est ce qui est voulu. Yani, le waswasa est devenu une description pour eux. Tu dis un tel est waswas. C'est-à-dire, il a le waswasa dans la plupart de ses affaires. Et il n'arrive pas à la repousser et à s'en débarrasser. وَنُسِبُوا إِلَىٰ قَبُولِ قَوْلِهِ وَطَاعَتِهِ. Et au point où ils ont comme appartenance l'acceptation des paroles de Shaytan et l'obéissance au Shaytan. C'est devenu comme une appartenance pour eux. Car celui qui obéit à Allah, son appartenance, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un allié d'Allah. C'est un serviteur d'Allah. Al-Muwaswas, tellement il obéit au shaitan, il écoute ses insufflations, yani comme s'il a eu cette appartenance à shaitan. وَرَغِبُوا عَنِ اتِّبَاعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَرِيقَتِهِ. Et ils ont abandonné le suivi du messager, alayhi salatu wassalam, et de sa tradition. حتى أن أحدهم لا يرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صلى كصلاته أن وضوءه باطل وصلاته غير صحيحة. الله المستعان. Il dit jusqu'au point où l'un d'entre eux, quand il fait les ablutions comme le prophète عليه الصلاة والسلام les faisait, où il prie comme la prière du prophète عليه الصلاة والسلام, il voit que ses ablutions sont invalides, sont caduques, et que sa salat est invalide également. وَيَرَى أَنَّهُ إِذَا فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي مُؤَاكَلَةِ الصِّبْيَانِ وَأَكْلِ طَعَامِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ أنه قد صار نجسا يجب عليه تسبيع يده وفيه. Et l'un d'entre eux aussi, il voit que quand il fait comme faisait le prophète alayhi salatu wassalam, notamment manger avec les enfants et manger de ce qu'on lui présente de la part du commun des muslimines, quand il fait cela, il voit qu'il devient impur et qu'il doit laver ses mains 7 fois, dont la première avec de la terre, exactement comme on doit laver le récipient dans lequel a bu un chien. Comme vous savez, le chien, s'il boit dans un récipient, dans une assiette, yani avec sa langue. Avec sa langue, il touche l'assiette avec sa langue, tu dois laver cette assiette, ou là, ce vêtement, ou là, cette partie de ton corps qui a été touchée avec la bave du chien, tu dois la laver 7 fois dans la première avec de la terre. Tu prends de la terre et tu la mets et tu mets de l'eau et ensuite tu lèves 6 autres fois après cette première fois. C'est uniquement comme ça que ça devient pur. Sinon, ça reste impur, même si tu mets tous les savants, tous les produits de la terre. Ça se nettoie religieusement comme ça, seulement. Donc lui, quand il mange avec des enfants ou avec des gens yani du commun des musulmans, il voit qu'il devient impur. Ou comme si le chat a uriné dans cette assiette. Yani, ces choses normales, il les voit comme des choses qui le rendent impur. Tellement il est dans l'exagération et la maladie de, soi-disant, la propreté. ثم إنه بلغ من استيلاء إبليس ثم إنه بلغ من استيلاء إبليس عليهم أنهم أجابوه إلى ما يشبه الجنون. Ensuite, ils sont tellement dominés par Shaitan, par Iblis, le nom de Shaitan. Iblis, c'est tiré du verbe ablasa, désespéré, car il est désespéré de la miséricorde d'Allah. Donc, leur obéissance à Iblis a atteint un degré où ils lui obéissent dans ce qui ressemble à de la folie. وَيُقَارِبُ مَذْهَبَ السُّفْسْطَائِيَّةِ Et ce qui se rapproche à la méthodologie de Sustaïa. Sustaïa, c'est des philosophes grecs qui sont insurgés contre les anciens philosophes grecs connus en niant les vérités matérielles. Yani, tu lui mets un livre devant lui, il dit non, ça c'est pas un livre. Yani, il y a plus de vérité pour eux. Ils les ont appelés, les philosophes grecs les ont appelés, ils ont appelé cette catégorie de philosophes qui rejettent et qui nie les vérités matérielles, ils les ont appelés Sustaïa. Donc ils lui obéissent dans des choses qui se rapprochent de ces voies-là. Ça ressemble à de la folie. الذين ينكرون حقائق الموجودات فإن الأمور المحسوسات وعلم الإنسان بحال نفسه من الأمور اليقينيات الضروريات. Car, يعني, réfuter et nier les vérités existantes parmi les choses matérielles et également la science de l'être humain de son propre état, ça c'est des certitudes. Et que personne n'ignore. Il l'explique en disant وهؤلاء يغسل أحدهم عضوه غسلا يشاهده ببصره. Il a dit l'un d'entre eux, il lave, et il parle de l'moussouassin. L'un d'entre eux, il lave son membre, un lavage qu'il voit avec ses propres yeux. Il voit qu'il a lavé sa main jusqu'au coude. Il le voit avec ses yeux. Ou ويكبر أو يقرأ شيئا بلسانه تسمعه أذنه أو il récite ou il dit الله أكبر dans salat ou il récite quelque chose du Coran d'une manière à l'entendre avec son propre oreille ويعلمه بقلبه et il le sait avec son cœur بل يعلمه غيره منه il le sait lui-même et ceux qui sont à côté de lui où eux aussi ils le savent. Il le voit laver ses mains jusqu'au coude. Il le voit dire Allahu Akbar. Il le voit réciter le Coran. Ou il l'entend réciter le Coran. Il l'entend dire Allahu Akbar. وَيَتَيَقَّنُهُ إِذَا رَأَى ذَلِكَ أَوْ سَمِعَهُ مِنْهُ. Donc ils ont la certitude qu'il a fait ses actes ou qu'il a prononcé ses paroles. Et malgré cela, وَهَذَا يُصَدِّقُ الشَّيْطَانَ فِي إِنْكَارِهِ يَقِينَ نَفْسِهِ وَجَحْدِهِ لِمَا رَآهُ بِبَصَرِهِ وَسَمِعَهُ بِأُذُنِهِ. Allahu Akbar. Et malgré cela, il va délaisser toutes ses certitudes, ce qu'il a vu avec ses propres yeux, ce qu'il a entendu avec ses propres oreilles, et il va croire l'insufflation de Shaitan qui nie la certitude de ce serviteur. Cette insufflation avec laquelle il va rejeter sa propre certitude, c'est-à-dire les choses qu'il a fait et qu'il a vu, qu'il a dit et qu'il a entendu. وكذلك يشككه في نيته وقصده التي يعلمها من نفسه يقينا. Aussi il le fait douter de son intention et de sa volonté de faire une chose qu'il sait avec certitude. Il sait avec certitude qu'il est sorti de chez lui pour aller prier dhuhr à la mosquée. Et malgré cela, il le fait douter. Oui, peut-être t'as pas eu l'intention. Peut-être t'es sorti pour l'asr. T'es sorti à 12h30 pour l'asr. Et il arrive à lui faire croire avec le waswasa des choses qui ressemblent à de la folie et qui se rapprochent de la voix de Sosta'iya. Ensuite, il a dit, بَلْ يَعْلَمُهَا غَيْرُهُ مِنْهُ بِقَرَائِنِ أَحْوَالِهِ ومع هذا يقبل قول إبليس في أنه ما نوى الصلاة ولا أرادها. Et ces choses-là, même, يعني ceux qui sont autour de lui, ils savent avec d'autres éléments, par exemple pour l'intention, qu'il a l'intention. Tu le vois arriver à la mosquée à l'heure de dhuhr et rentre avec le muslimin dans la prière en groupe. C'est quoi, il prie Qiyam al-Layl? Non, il prie Dhuhr. Même ceux qui sont à côté, ils le savent. Ils savent que lui, il est venu pour prier Dhuhr. Avec ses indices. Et malgré cela, il accepte la parole de Iblis, qui n'a pas eu l'intention. Et qui n'a pas voulu prier Dhuhr. Et ainsi, il rejette ce qu'il a vu avec ses propres yeux. Et il réfute sa propre certitude. حَتَّى تَرَاهُ مُتَلَدِّدًا مُتَحَيِّرًا كَأَنَّهُ يُعَالِجُ شَيْئًا يَجْتَدُّ بِهِ أَوْ يَجِدُ شَيْئًا فِي بَاطِنِهِ يَسْتَخْرِجُهُ. Et ainsi tu le trouves dans une extrême confusion, dans une hésitation, dans un embarras, comme quelqu'un qui essaie de s'éloigner d'une chose vers laquelle il est tiré avec une grande force. Comme quelqu'un qui essaie de sortir une chose de son intérieur, comme s'il y avait quelque chose en lui qu'il essaie de sortir avec une grande force. كل ذلك مبالغة في طاعة إبليس وقبولا من وسوسته ومن انتهى الطاعة لإبليس إلى هذا الحد فقد بلغ النهاية في طاعته. Tout ça en acceptant le waswasa de Iblis. Et celui qui arrive à ce stade dans l'obéissance à Iblis, alors il faut qu'il sache qu'il lui obéit au degré maximum. C'est le maximum, le summum dans l'obéissance à Iblis. C'est de rejeter toutes ses vérités et toutes ses certitudes pour une simple insufflation de sa part. pour un simple doute qu'il te met dans ton cœur. Est-ce qu'il y a une obéissance plus grande que celle-là? Il dit, ça c'est le summum de l'obéissance à Iblis. ثم إنه يقبل قوله في تعذيب نفسه ويطيعه في الإضرار بجسده. Et ainsi, il accepte la parole de Iblis, qui sera une cause de sa propre torture et de son propre châtiment. Il lui obéit dans ce qui sera une cause de nuisance et de mal pour lui physique. Tantôt en se jetant dans l'eau froide et tantôt en utilisant avec exagération de l'eau et en frottant pendant un grand laps de temps, et peut-être qu'il va ouvrir ses yeux pendant ses ablutions pour être sûr que l'eau est entrée à l'intérieur de l'œil, au point où il va se faire du mal. Et il y en a qui perdent la vue de cette manière. Wallah musta'an. Est-ce qu'il t'est demandé de faire cela? Est-ce que le Nabi alayhi salam y faisait cela? وربما أفضى إلى كشف عورته للناس. Et peut-être qu'avec cette exagération, il arrive jusqu'à dévoiler ses parties intimes devant les gens. وربما صار إلى حال يسخر منه الصبيان. Et peut-être qu'il arrive à un état dans lequel il se moque de lui les enfants. يعني les enfants avec يعني l'intelligence qu'ils ont adéquate à leur âge, ils voient ça comme de la folie. Ce que cet homme fait. ويستهزئ به من يراه. Il se moque de lui, tous ceux qui le voient dans cet état. Bien évidemment, ça c'est pas pour légitimer la moquerie. Ou de prendre le muslim, yani, de se moquer du muslim, ça c'est haram bien évidemment, ça fait partie des grands péchés. Mais ceux qui ne respectent pas cela, quand ils le voient, ils pensent qu'il est fou. Après, si quelqu'un il se moque d'une personne dans un état comme ça, faut qu'il se prépare à ce qu'il soit éprouvé par le même mal, comme a dit beaucoup de salafs et même des compagnons radiallahu anhum. Lakin, comprenez pourquoi Ibn Qudama il a cité ce point. C'est la réalité. C'est ce qui va se produire dans la réalité. وربما شغله بوسواسه حتى تفوته الجماعة. Et peut-être qu'il va le préoccuper avec ses وسواس jusqu'à lui faire passer الجماعة, jusqu'à lui faire rater الجماعة. Il va pour faire les ablutions, il reste une heure. Les gens ont prié, ils sont partis, et lui, il n'a pas encore fini les ablutions. وربما فاته الوقت ويشغله بوسوسته. Et peut-être qu'il va lui faire louper encore pire. Non seulement il lui fait louper le jama'a, mais il lui fait sortir la salade de 100 ans. Et tout ça, c'est des choses réelles qui existent. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver et de guérir tout musulman éprouvé par ce mal. Yani, il va faire sortir Salah de 100 ans. Il reste dans les ablutions 3 heures. Il reste dans la salle de bain 4 heures pour être sûr qu'il n'y a plus rien qui sort de lui. Après avoir uriné, par exemple. Et peut-être qu'il va l'occuper avec l'intention dans la salat jusqu'à lui faire rater takbirat al-ihram. Vous savez tous le mérite de takbirat al-ihram. Donc il va le préoccuper par l'intention et d'être sûr d'avoir l'intention jusqu'à ce que l'imam va faire takbirat al-ihram et peut-être qu'il va rentrer dans la récitation de Fatiha. Lui, il n'a pas encore fait takbirat. Là, il veut parfaire l'intention et être sûr qu'il a mis l'intention. Il lui dit, car si tu mets pas l'intention, ta salat est invalide chez tous les hommes de science. S'il est ignorant, bien évidemment, ça c'est un argument extrêmement fort pour lui. وربما فوت عليه ركعة أو أكثر. Et peut-être qu'il va lui faire rater, non seulement takbirat ihram, une rak'a entière, et peut-être plusieurs rak'a. Et peut-être qu'il va lui faire louper la totalité de la salat. Et lui, il est encore dans l'intention. Dans l'intention. Et peut-être qu'il va lui faire louper le temps. Il va lui faire sortir salat de son temps, sous prétexte d'être sûr d'avoir fait l'intention. D'avoir mis l'intention. ومنهم من يحلف على نفسه. ومنهم من يحلف على نفسه لا ثنيت ولا زدت ويكذب. ومنهم من يتوسوس في إخراج الحروف حتى يكرر الحرف الواحد. Et parmi eux, parmi ces موسوسين qui jurent qui n'a pas répété, par exemple, le Fatiha deux fois. Et qui n'a pas fait plus que ce qui est légiféré. Et il ment. وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَوَسْوَسُ فِي إِخْرَاجِ الْحُرُوفِ Et parmi ces waswasa qui touchent les gens dans la prononciation des lettres. Dans la prononciation des lettres. Notamment dans Tekbir. Ou dans Taslim, ou dans Surat al-Fatiha. Quand il était ignorant, il récitait le Fatiha normalement. Dès qu'il commence à apprendre Tajwid, là, Shaitan y vient. Non, ici, quand t'as dit Allahu Akbar, t'as pas prononcé correctement. T'as prononcé autre chose. C'est une mécréance. Quand t'as récité le Fatiha, Iyaka, t'as pas prononcé les deux ya, t'as prononcé qu'une seule. Il lui vient avec des choses comme ça, jusqu'à ce que tu trouves l'un d'entre eux, quand il veut faire takbir, il dit Allahu Akbar, comme a dit l'imam Ibn Qudam. Et il a dit qu'une personne parmi ses mouswissines lui a dit, je suis dans l'incapacité de faire salam dans salam. Il est incapable de faire salam. Écoutez bien cette faïda, elle est très très très belle. Elle est très belle et ça sert de leçon pour la plupart de ce qui va venir. Là, c'est un exemple concret et réel. Un homme est venu le voir. قَالَ لِي إِنسَانٌ مِنْهُمْ Un homme est venu le voir parmi ceux qui sont touchés par l'waswasa. قَدْ عَجَزْتُ عَنْ قَوْلِ السَّلَامِ عَلَيْكُمْ السَّلَامِ عَلَيْكُمْ أو عَجَزْتُ عَنْ قَوْلِ السلام عليكم على الحكاية. Il lui a dit, je suis dans l'incapacité de dire السلام عليكم. L'imam Ibn Qudama lui a dit, dis comme tu viens de me dire maintenant. Et tu seras apaisé et tu vas apaiser les gens. Dis comme tu viens de me dire maintenant. C'est-à-dire, lui, il prononce correctement. Mais Shaitan, il lui fait le waswasa. Il lui a dit, je suis dans l'incapacité de dire salam alaikum. Il lui a dit, dis comme tu viens de me dire maintenant. Ça, c'est juste et c'est correct et c'est valide. Et ne te soucie plus après cela. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses savants une sagesse. وأصنافهم كثيرة وقد بلغ الشيطان منهم إلى أن عذبهم في الدنيا وأخرجهم عن اتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم وأدخلهم في جملة المتنطعين الغالين في الدين. Et les catégories de ceux qui sont touchés par le waswas sont très très nombreuses. Shaitan est parvenu à les torturer, les châtier dans ce bas monde avec sa waswasa et de les faire sortir du suivi de leur prophète, alayhi salatu wassalam. Il les a fait entrer dans l'ensemble des gens de l'exagération. L'exagération dans la religion. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا Alors qu'ils pensent bien faire. نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le shaitan, le lapidé. فَمَنْ أَرَادَ التَّخَلُّصَ مِنْ هَذِهِ الْبَلِيَّةِ فَلْيَسْتَشْعِرْ صِحَّةَ مَا ذَكَرْنَاهُ Celui qui veut se débarrasser de ce mal, qu'il réalise l'authenticité de ce que je viens de citer. ومن أن الحق في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله que la vérité se trouve dans le suivi du messager عليه الصلاة والسلام dans ses paroles et dans ses actes. وليعزم على سلوك طريقته عزيمة من لا يشك في أنه صلى الله عليه وسلم على الهدى المستقيم et qu'il ait une détermination à suivre le prophète alayhi salatu wassalam dans sa tradition et suivre la méthode du prophète alayhi salatu wassalam avec une détermination qui n'est pas mélangée à aucun doute. À aucun doute. Et qu'il sache avec certitude que le messager alayhi salatu wassalam est sur la voie droite et sur la guidée. Wa anna ma khalafahu min taswir iblis wa waswasatihi et que tout ce qui est contraire à la voie du prophète alayhi salatu wassalam qui est la voie droite il fait partie des insufflations de iblis et de ses stratagèmes. ويوقن أنه عدو ولا يدعو إلى خير. Il faut qu'il sache avec certitude que Iblis est un ennemi et qu'il ne t'appelle jamais un bien. Iblis est la certitude que c'est ton ennemi. Il ne t'appelle pas au bien. ولا يرشد الى طائل il n'appelle pas au bien ni à quelque chose dans laquelle il y a un profit au contraire il t'appelle à l'éloignement de la voie droite à l'éloignement du droit chemin comme Allah azza wa jalla dit إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الله سبحانه وتعالى décrit Iblis en disant, après avoir dit qu'il est un ennemi pour nous et qu'on doit le considérer ainsi, il a dit, il ne fait qu'appeler ses partisans à être parmi les gens de la fournaise, les gens de l'enfer. C'est à ça qu'il appelle ses partisans, ceux qui le suivent. وليترك التعريج على كل ما خالف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et il doit abandonner tout ce qui est contraire à la voie du messager d'Allah عليه الصلاة والسلام كائنا ما كان فإنه لا يشك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على الصراط المستقيم فإنه لا يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على الصراط المستقيم il doit abandonner toute chose qui est contraire à la voie du prophète عليه الصلاة والسلام car il n'y a pas de doute que le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام était sur la voie droite Et celui qui doute en cela, il n'est pas musulman. وَمَنْ شَكَّ فِي هَذَا فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ وَمَنْ عَلِمَ هَذَا فَإِلَى أَيْنَ الْعُدُولُ فَإِلَى أَيْنَ الْعُدُولُ عَنْ سُنَّتِهِ وَأَيُّ شَيْءٍ يَبْتَغِي غَيْرَ طَرِيقَتِهِ. Et celui qui sait cela avec certitude, alors il va vers où en s'éloignant de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. وَلْيَقُلْ لِنَفْسِهِ أَلَسْتِ تَعْلَمِينَ أَنَّ طَرِيقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. Il dit à lui-même, il dit en s'adressant à sa propre personne, tu ne sais pas que la voie du messager d'Allah est le droit chemin? Si elle dit oui, et elle ne peut dire que oui, alors il doit lui dire, le prophète, alayhi salam, il faisait ainsi. Yani, ce qui est conforme à la sunna. Et il ne faisait pas ce que Shaitan me dit maintenant, dans ses insufflations. Elle va reconnaître que le prophète, alayhi salam, bien évidemment, ça, c'est quand il y a la science. Quand on connaît la sunna. Elle va dire, le prophète alayhi salatu wasalam ne faisait pas cela. Alors il lui dit à ce moment-là, فَهَلْ عِنْدَكِ شَكٌّ فِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ. Est-ce que tu es dans le doute par rapport à ces deux choses? أَوْ هَلْ يُشَكُّ فِيهِمَا أَوْ هَلْ يَشُكُّ فِيهِمَا مُسْلِمٌ عَالِمٌ بِطَرِيقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Est-ce qu'il y a un muslim qui connaît la sunna du prophète alayhi salatu wasalam qui doute en cela? Elle va dire forcément non. Il n'y a aucun musulman qui doute en cela, car douter en cela, c'est de la mécréance. Et ensuite, il lui dit, فَهَلْ بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Comme Allah Azza wa dit, est-ce qu'il y a autre chose après la vérité que l'égarement? وَهَلْ بَعْدَ طَرِيقِ الْجَنَّةِ إِلَّا طَرِيقَ النَّارِ. Et est-ce qu'il y a, يعني, en dehors de la voie du paradis, autre que la voie de l'enfer? وَهَلْ بَعْدَ سَبِيلِ اللَّهِ وَسَبِيلِ رَسُولِهِ إِلَّا سَبِيلَ الشَّيْطَانِ. Et est-ce qu'il y a en dehors de la voie, le chemin d'Allah et le chemin du messager, est-ce qu'il y a autre chose que le chemin de Shaytan? فَهَلْ لَكِ رَغْبَةٌ فِي مُقَارَنَةِ الشَّيْطَانِ. Il lui dit, est-ce que tu veux être en compagnie de Shaytan? نعم. لأن si tu t'éloignes du chemin d'Allah et de son prophète alayhi salatu wassalam, effectivement, tu te rapproches des sentiers de Iblis. Et ça sera lui ton compagnon. Et quel mauvais compagnon. Comme Allah Azza wa Jalla dit, يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. Le début du verset, حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. Dans le sens, viendra alors le jour où tel homme comparaîtra devant nous et dira à son compagnon parmi الشياطين. Il dira, Ya layta bayni wa baynaka bu'd al-mashriqayn fa bi'sa al-qarin. Si seulement il y avait entre moi et toi la distance séparant le levant du couchant, quel horrible compagnon tu fais. Walyanzur ahwal as-salaf fi mutaba'atihim li rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam. فليقتدي بهم وليحتذي طريقتهم. Et qu'il cherche à connaître la voie du salaf, la voie du salaf dans leur suivi du prophète عليه الصلاة والسلام, et il les prend comme exemple. Salaf, quand il faisait le wudu, c'était extrêmement rapide, en le perfectionnant bien évidemment. Et c'était parmi les signes avec lesquels il distinguait celui qui suit la sunna. C'est la rapidité dans les ablutions. Ensuite, il a dit, وقد روينا عن بعضهم عن بعض السلف أنه قال لقد تقدمني قوم لو لم يتجاوزوا بالوضوء الظفر ما تجاوزته الله أكبر. Ça, ça a été rapporté de Ibrahim al-Nakhai, l'imam Ibn al-Qayyim l'a cité dans Makaïd, dans Wiqayat al-Insan, min Makaïd al-Shaytan, son livre précieux sur ce domaine-là. C'est le livre le plus complet et le plus important d'une manière absolue. Ensuite, il y a le livre de Ibn al-Jawzi, Talbis ou Iblis, qui est un excellent livre également dans ce domaine. Donc, ça c'est Ibrahim al-Nakhai qui a dit. Il a dit, il y a des gens qui nous ont devancés, qui étaient avant nous. S'ils ne dépassaient pas l'angle dans leurs ablutions, je ne l'aurais pas dépassé. Yani, je ne fais rien en plus de ce que eux ils faisaient. Parce que c'est les meilleurs, c'est l'élite. C'est ceux qui étaient sur la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Ibrahim al-Nakhai, c'est un tabi'i. Et il vise par cela les compagnons, radiyallahu anhum. Et comme on a vu, le prophète, alayhi salatu wassalam, était sur la voie droite, et ses compagnons étaient sur la voie droite également. وقال زين العابدين لابنه يوما يا بني اتخذ لي ثوبا ألبسه عند قضاء الحاجة فإني رأيت الذباب يسقط على الشيء ثم يقع على الثوب ثم انتبه فقال وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا ثوب واحد فتركه الله أكبر. Il rapporte ici de Zain al-Abidin, rahimahullah. Zain al-Abidin, qui est le petit-fils de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Zain al-Abidin, il a dit un jour à son fils de lui acheter un vêtement supplémentaire pour le porter quand il fait ses besoins. Car il a dit, quand je fais mes besoins, j'ai constaté que les mouches vont sur les impuretés et après elles viennent se poser sur toi, sur ton vêtement. Donc, elles peuvent laisser des choses sur ton vêtement. Il lui a dit, achète-moi un vêtement que je réserve à cette fin. C'est-à-dire quand je vais faire mes besoins, je le porte et quand je termine, je le retire comme ça. Si la mouche s'est posée avec une impureté, ça va rester sur ce vêtement qui sera réservé qu'à cet objectif-là. Donc ça, tu peux le voir comme une bonne chose. Et ensuite, il s'est rappelé. Et il a dit à son fils, وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ. Il a dit, le prophète عليه الصلاة والسلام et ses compagnons n'avaient qu'un seul vêtement. Et certains d'entre eux n'avaient même pas un seul vêtement. Et ensuite, il a abandonné cette idée. Regardez comment il a délaissé l'ouaswas de shaitan avec l'ilm, avec le suivi du prophète عليه الصلاة والسلام. وكان عمر رضي الله عنه يهم بالأمر ويعزم عليه فإذا قيل له لما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. عمر رضي الله عنه. Il était connu que quand il voulait faire une chose et il était déterminé à la faire, quand on lui dit le prophète عليه الصلاة والسلام ne l'a pas fait, il ne la faisait plus. Il l'abandonnait. Directement, رضي الله عنه. حتى أنه قال لقد هممت أن أنهى عن لبس هذه الثياب فإنه بلغني أنها تصبغ بأبوال العجائز فقال له أبي رضي الله عنه ما لك أن تنهى عنها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبسها ولبست في زمنه ولو علم الله أن لبسها حرام لبينه لرسوله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه صدقت أو كما قال الله أكبر. Également, Omar radiallahu anhu un jour, a eu l'intention d'interdire une catégorie de tissus avec laquelle étaient fabriqués des vêtements. Il a voulu interdire ces vêtements. Pourquoi? Parce que il a entendu que ces vêtements étaient colorés avec l'urine des femmes, des vieilles femmes. C'est un peu étrange. Lakin, tout est possible. Et Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, il lui a dit, pourquoi tu veux interdire des vêtements qui étaient portés à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam? Et c'était porté par le prophète, alayhi salatu wassalam, également. Et si Allah, s'il y avait un interdit dans ces vêtements, Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait dit et l'aurait révélé à son messager. Ensuite, Omar lui a dit, t'as dit vrai, et il a fait comme Ubay radiallahu anhu lui a recommandé. ثم ليعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كان فيهم وسوس ولو كانت الوسوسة فضيلة لما ادخرها الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته وهم خير الخلق وأفضلهم. Cette belle conclusion avec laquelle il conclut cette introduction dans laquelle il dit, sache que il n'y avait pas un seul qui était touché par l'waswasa, par, yani, ni le prophète alayhi salatu wassalam, ni parmi ses compagnons. Personne n'était touché par l'waswasa dans le sens qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire, c'est devenu une description pour lui. Une chose par laquelle il est connu. Ça peut venir, mais il la rejette, il s'en débarrasse avec la science et la détermination après l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on va voir dans des hadiths, c'est arrivé à des compagnons d'être touchés par une waswasa du shaitan dans différents domaines, l'aqida, les ablutions, la salat, mais comment ils ont soigné cela? Avec l'ilm et la détermination. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui donne le remède, il le met en pratique et aussitôt ça se termine. Et ensuite l'imam ibn Qudama a dit, et si le waswasa était une qualité, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aurait pas réservé, yani il l'aurait accordé à son prophète et à ses compagnons, qui sont les meilleurs des créatures. وَلَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوَسْوَسِينَ لَمَقَتَهُمْ وَلَوْ أَدْرَكَهُمْ عُمَرُ لَدَرَبَهُمْ وَأَدَّبَهُمْ وَلَوْ أَدْرَكَهُمْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ لَبَدَّعَهُمْ وَكَرِهَهُمْ وَهَا أَنَا أَذْكُرُ مَا جَاءَ فِي خِلَافِ مَذْهَبِهِمْ عَلَى مَا يُيَسِّرُهُ اللَّهُ تَعَالَى مُفَصَّلًا. Et si le prophète عليه الصلاة والسلام avait vu des gens qui sont touchés par cette waswasa au point où ils pensent que comme eux ils font est meilleur que sur quoi était le prophète عليه الصلاة والسلام, et que l'insufflation de shaitan est meilleure que la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et que la tradition du prophète عليه الصلاة والسلام, si le prophète عليه الصلاة والسلام avait vu quelqu'un parmi eux, il l'aurait détesté. Et si Omar l'aurait vu, il l'aurait, yani, addabahum, il l'aurait corrigé, quitte à le frapper, comme il le faisait avec des gens qui avaient des choses comme ça. Et si les compagnons les aurait vus, il a dit, la badda'ahum, il l'aurait considéré comme un innovateur. Na'am, le waswasa, ça peut arriver à l'bid'a. Na'am, pas d'une manière absolue. La règle de base dans le waswasa, c'est pas une bid'a. Mais si tu fais une chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, tout en sachant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, en pensant que c'est un bien et que ça te rapproche d'Allah, tu t'es rapproché d'Allah avec une hérésie, une bid'a. Et il les aurait détestés. Et je vais citer dans ce qui va suivre, avec la permission d'Allah et son aide, yani, tout ce que comporte leur méthode qui est contraire à la méthode du prophète, alayhi salatu wassalam. Voilà l'introduction. Je tenais à la finir. Dans les cours précédents, inshallah, on va essayer de ne pas être aussi long qu'aujourd'hui. Là, on a fait presque une heure et demie. Allah musta'an. هذا هو والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته